Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 47e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et c'est bientôt Halloween et donc c'est normal qu'on ait des revenants qui viennent dans l'émission, vous inquiétez pas, et notamment mon bon Cyril. Salut Cyril. La peur. C'est la peur à Halloween. Salut. Salut, ouais. Salut. Et nous avons aussi Majo, lui qui revient pas parce qu'il est toujours là, fidèle au poste. Salut Majo. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, si oui, ça va. S'il est toujours au poste, fidèle au poste, c'est comme s'il était revenant aussi parce que les fantômes ils sont en permanence au même endroit quoi. Non. Ah, tu penses qu'il le hante le podcast? Ouais, je pense, ouais, voilà, c'est ça, je cherchais exactement le verbe. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser, putain. Ouais. Bah, ça tombe bien, on est bien dans le thème en tout cas. Donc voilà, on se retrouve à nouveau pour parler un petit peu du PSVR, mais pas que. Notamment avec deux news sur des jeux, enfin un jeu qui est déjà sorti, qui va avoir une mise à jour, et un jeu qu'on attend aussi particulièrement sur PSVR. C'est Majo qui va nous présenter tout ça. Ouais, mais je vais y parler de Hitman 3 du coup, qui a fait. Ce que je vais dire, c'est à l'image de la communication du PSVR en ce moment, c'est-à-dire elle est un peu plate. Ah oui, non mais. Et du coup, elle est très fantomatique. Du coup, voilà, on va essayer. On essaye toujours de lire un peu entre les lignes de ce qu'on nous donne, donc on a du temps pour ça en ce moment. Et ouais. Là, je vais parler de Hitman 3 qu'on a vu apparaître sur le store. PlayStation, et du coup il a été catégorisé VR dans sa catégorie PS5, donc c'était la bonne nouvelle. J'étais content, ouais. On s'est dit intéressant, c'est toujours sans annonce officielle de jeu PS5 PSVR, et donc du coup c'est bon signe, on est assez content. Et puis grosse news qui est arrivée juste derrière, on s'en doutait un peu, on l'attendait d'ailleurs tous avec impatience, c'est l'upgrade PS5 de No Man's Sky. Donc du studio Hello Games. Ouais. Donc elle a été officialisée, ça y est. Donc beaucoup d'améliorations, notamment les retours haptiques qui vont être utilisés. Pas mal d'améliorations graphiques, plus de fun, une meilleure génération procédurale. 32 joueurs en multi, donc comme la version PC. Sur PS4, on n'y avait pas droit encore, donc ça c'est bien aussi. Le système audio, pareil, qui va profiter du Tempest. Pour la version plate, du 4K à 60 images par seconde. Et puis pas mal d'autres choses, mais nous ce qui nous intéresse le plus en fait c'est la version PSVR, donc enfin quoi, Hello Games au top, qui nous font des patchs à gogo, qui suivent vachement leur jeu, mise à jour PS5, donc obligatoirement mise à jour VR. Et en fait on sait pas. La seule petite phrase qu'on a sur le PSVR, c'est que No Man's Sky peut se jouer en réalité virtuelle sur PlayStation 5 grâce à la fonction de rétrocompatibilité. Ouais, voilà. Ça va être la version PS4 sur PS5 en VR. En gros, on ne sait pas. Mais enfin, moi, je suis toujours de nature optimiste, donc tant qu'on m'a pas dit non, clairement, je pense que c'est peut-être, tu vois. Mais là, j'avoue que ça laisse peu de place au doute. Même si le doute est permis. Mais franchement, c'est très compliqué de gérer ça. Émotionnellement parlant. Pas émotionnellement parlant. Enfin oui, si, d'une part, c'est vrai que t'as raison, ça fait pas mal d'ascenseurs émotionnels. On est tellement à la recherche de cette preuve que la PS5 aura des jeux exclusifs PSVR. Et puis surtout, on trouve ça tellement logique qu'on ne comprend pas vraiment cette ambiguïté dans l'info. Quoi. Voilà. Pourquoi ne pas dire non clairement si c'est le cas? Pourquoi ne pas dire oui clairement si c'est le cas? Pourquoi toujours rester dans le peut-être Dans le flou, ouais. C'est vrai que ça fait quand même des mois que ça dure, qu'on a des miettes, et encore vraiment pas beaucoup de miettes sur la VR, sur PS5. Quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus transparents? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu plus clairs? Pourquoi rester dans le flou comme ça? Parce que ça commence en plus, j'ai l'impression, on voyait justement sur le blog PlayStation aujourd'hui, après cette annonce-là, les gens se posent des questions. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, justement, à savoir. Ouais, voilà, alors il y a une amélioration. Il y a pas mal de commentaires sur les forums qui posent la question, justement, de cet upgrade de PSVR. Et il y en a énormément aussi qui disent qu'ils se sentent lésés, qu'on aimerait bien savoir, où ça va, quoi. Voilà. C'est ça, on veut savoir. Donc c'est bien d'être patient, c'est bien de nous demander d'être patient, on l'est quand même pas mal, tous les joueurs PSVR le sont beaucoup, je trouve, mais il serait temps peut-être quand même de lui donner un petit peu de biscuit, quoi. Pour, moi, ça pour me fait penser à Gepetto, vous vous rappelez, Gepetto, là, au début de l'histoire de Pinocchio. Il a faim et il fait les fonds de tiroir pour récupérer la moindre miette de pain et il essaie de l'agglomérer à une autre et pour se constituer un repas. Bah, j'ai l'impression qu'on en est là depuis des mois, parce que des miettes il y en a même pas, quoi. Là en l'occurrence, que tu viens d'annoncer pour le titre No Man's Sky, là, ils disent bien rétrocompatibilité, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Mais est-ce qu'ils préparent quelque chose au moins pour c'est la ça, PS5 en fait. C'est ça, parce qu'on peut voir quand même qu'ils enferment depuis quelque temps, même dans leur communication là, avant la sortie de la PS5, ils essayent, enfin j'ai l'impression qu'ils enferment vraiment le PSVR avec la PS4 et qu'ils essayent de nous le passer comme ça, si tu veux, mais pas de manière officielle. Donc la question, c'est est-ce que c'est pour faire une scission avec la future génération de casques VR qui arrivera sur PS5 si tant est qu'il en arrive une, parce que c'est toujours pareil, on n'en sait rien. Ou alors, est-ce que c'est pour fermer définitivement la porte et dire la VR c'était PS4 et aujourd'hui PS5, il n'y en a plus, quoi. C'est très bizarre. Tes deux orientations se rejoignent sur le fait qu'il faut quand même fermer une porte, quelle que soit l'orientation prise. Ils vont pas non plus fermer la porte du PSVR maintenant, ça serait un petit peu dommage, sachant qu'en plus c'est rétrocompatible quand même, l'oublions pas, avec la PS5. Ils la laissent entrouverte, quoi, mais c'est très très très bizarre, quoi. Ils ont vraiment le cul entre deux chaises là, et j'ai l'impression qu'ils savent pas comment communiquer en fait sur la VR. Bah, la peur peut-être de se prendre une volée de bois vert. Veulent-ils communiquer déjà dessus? On va se poser la question. Le problème, c'est que il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour ceux donc qui ont un casque et qui auront la chance d'avoir la PS5 à son lancement ou qui veulent l'acquérir plus tard, l'adaptateur pour le PSVR sur la PS5, on peut enfin le récupérer sur PlayStation.com. Parle-nous de ce fameux adaptateur. Bah écoute, je l'ai pas encore, donc je peux pas dire grand-chose. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Il y a juste un formulaire d'inscription qui a popé donc sur le PlayStation.com il faut vous inscrire, ils vont demander le numéro de série du PSVR. Donc vous trouverez derrière le boîtier. Ouais, c'est ça. Et donc ça commence par C, M ou P. Et ensuite toute une série de numéros. Il faut rentrer ce numéro de série, pardon. Et ensuite inscrire diverses infos comme votre nom, votre adresse. Et puis en théorie, ils vous l'enverront. Je dis bien en théorie parce que. Une fois que tu as validé tout ça, ils te disent quand même que le fait d'avoir rempli ce formulaire ne garantit pas que tu recevras l'adaptateur. C'est une bonne chose. Ça aussi, c'est assez ambigu. C'est pas mal. Ouais, c'est chouette. C'est assez ambigu, donc écoute, on verra bien. Mais, c'est bizarre, ouais. Bizarre, ouais. Le formulaire est disponible, on peut s'inscrire pour le récupérer. Voilà. Mais il y en a qui l'ont reçu, d'ailleurs. Laurent, il a pas reçu ce petit câble-là ? Nous envoie une photo justement aujourd'hui, ça ressemble à l'adaptateur, ça ressemble à un câble qui fait à peu près 10 cm de long, avec une partie plus épaisse que l'autre, enfin un bout plus épais que l'autre, dans un petit carton. Ah non, j'ai pas vu ça. Ça m'étonnerait qu'il l'ait reçu. Hein. Oui, il l'a commandé hier, je crois, non ? Donc, ouais. Voilà, pour le coup, ça aurait été rapide. Ouais, c'est clair. Ça embête chez lui. Là, je pense qu'il s'est peut-être fabriqué. Il a dû faire une vanne. Ouais. Ce que j'allais dire, il a dû faire une vanne. Ouais. Ah, peut-être. Je suis trop naïf, moi. Qu'est-ce que tu veux ? Si c'est celui qui est sur la photo avec la Series X, c'est une vanne. Ah, d'accord. Mais pour revenir à cet adaptateur, là, moi, je trouve quand même dingue déjà de devoir faire la démarche de demander à pouvoir obtenir un adaptateur sans certitude de l'avoir, alors que pourtant tu mets bien le numéro de série de ton casque, donc ça veut bien dire que t'as un casque. C'est dingue, moi je trouve ça fou. Il y a eu quelques soucis aussi. Comment ? Il y a eu quelques soucis avec des numéros de série qui soi-disant étaient déjà rentrés ou des trucs du genre. Ouais, mais ça c'est la normale. Ils le savent tout de suite ça. Mais c'est peut-être aussi avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la pandémie, les confinements, que les difficultés aussi d'avoir des frettes entre les pays. Peut-être que justement, ils essaient de se protéger juridiquement en mettant un petit dit astérisque à la fin en disant attention, on n'est pas sûr de pouvoir vous l'envoyer. Ouais, mais d'ailleurs, c'est comme ceux qui ont, c'est un petit peu comme ceux qui ont préco la PS5 là. Toi, tu l'as préco, toi, Majo? Ouais. Ah ouais, c'est le ouais. chemin de croix. Hein. C'est le chemin de croix. C'est un jeu de Compostelle, mon gars. Plus en plus, hein. c'est un vrai pèlerinage. Hein. C'est incroyable. C'est non, mais du coup, t'y crois? Ouais, j'ai encore été aujourd'hui là, chez Micromania pour prendre la température et puis payer mes frais de port. Parce qu'en fait, c'est ce que j'avais mis sur Twitter là, il y a une semaine, quand j'avais été la payer, du coup. Ils avaient pris mes coordonnées pour me dire qu'en cas de confinement, ils pouvaient nous l'envoyer. Donc, c'est pas comme disait tout le monde, ils ont réagi super vite et super bien, du coup. Mais je pense qu'ils étaient quand même un peu préparés dans le sens où ils m'en parlaient déjà il y a une semaine. Donc, bon, c'est très bien, du coup. Maintenant, j'espère juste. Le truc. Comme je disais, je suis quelqu'un d'optimiste, mais des fois j'ai des craintes. J'espère juste qu'il ne va pas y avoir une volée de PS5 tombée du camion, quoi. Ouais. Ouais. Bon, mais bon. Et que la mienne arrivera. Bon, parce que tu as toujours des trucs, des colis qui n'arrivent pas. Enfin, tu sais, moi je travaille dans l'alimentaire et quand c'est les périodes de fêtes de fin d'année, Noël, tu as des colis de foie gras qui disparaissent, tu vois, des colis de saumon fumé. Donc je me dis là, c'est. Bah, m'en parle c'est pas, un peu ça a déjà commencé. Ça, donc, ça a déjà commencé là. Je devais recevoir deux Blu-ray HD. Et ben j'en ai qu'un. Dans la boîte, il y en a un qui a disparu. Voilà. Non mais c'est journée super offre. Ça existe. Un pour le prix de deux. Ouais. Ah ouais, mais bon, heureusement, celui qui a disparu, c'est celui que j'aimais le moins, donc ça va. C'est bon. Ah, c'était celui pour ta femme, en fait. Nickel. Tu t'en sers bien. Non, non. Ok. Mais bon, écoute, pour revenir à cet adaptateur, là, vite fait, moi, je trouve ça complètement aberrant, parce que la console, les premières livrées, c'est pour le 19, hein, si je me trompe pas, dans pas longtemps. Oui. Pour un petit bout de plastique avec deux connecteurs qui va concerner, allez, on va dire maximum 5 millions de gens de par le monde. Tu t'y prends pas juste. Enfin, c'est pour moi, hein, tu t'y prends pas juste 20 jours avant, quoi. Si t'es pas sûr de pouvoir livrer tout le monde, tu peux t'y prendre à l'avance, tu caches personne. Et j'aimerais bien savoir, même au-delà, les nouveaux bundles de PlayStation VR qui sortent, pourquoi ils en sont pas équipés déjà à l'origine aussi, tu vois. Et la planète Et la planète, t'y penses à la planète? Ouais, bah la planète, problème, c'est on place toujours ça, là, c'est comme. On parlait l'autre fois entre nous t'achètes un iPhone 12, t'as pas le chargeur et t'as pas le câble, quoi. Faut pas déconner, quoi. Et on te met ça que c'est pour du packaging et c'est bon pour la planète. C'est de la fumisterie en boîte, bien enveloppée, bien empaquetée, avec un joli marketing, et puis c'est super. Ben, au-delà de ça, si on fait un peu la rétrospective de la gestion PSVR, enfin marketing du coup, rappelez-vous, il y a quoi, un mois et demi, il y a certains joueurs PlayStation qui avaient reçu un questionnaire sur le PSVR. Ouais. Que pas mal d'entre nous ont rempli. On sait pas trop pourquoi. Il y avait un sondage sur. Je me rappelle plus tout ce qu'il y avait, mais bon. En gros, comment on voyait le PSVR, pourquoi on y jouait, combien de temps on y jouait. Voilà, ce genre de truc. Et est-ce que ce formulaire, ça serait pas aussi pour sonder les gens qui sont intéressés par brancher leur casque sur PS5? De manière sous-marine. Ici, il ne prendrait pas si tard, en fait, parce que là pour le coup, si tu commences à faire une étude de marché, tu t'y prends pas un mois avant de lancer, enfin, ou deux mois avant de lancer ta console. Alors, à quoi bon ce questionnaire? Compliqué, quoi. Ben alors, à quoi bon ce questionnaire? Alors, ça, faudrait demander à Sony. Hein. c'était pas leur premier questionnaire qu'ils faisaient aussi. Non. Non, non, apparemment, il y avait Steph qui nous disait qu'il en avait reçu un il y a un an ou deux, truc comme ça. J'en avais rempli un aussi également il y a au moins 2 ans. C'est pas aussi nouveau, centralisé, quoi. Sur le PSVR. Alors, il y avait moins de questions, mais c'était sur le PlayStation VR. Ouais. Ouais. Mais par contre, il était moins long, ça c'est vrai. Il était vachement important, quoi. Enfin, là, il était conséquent, c'est vrai. J'ai l'impression, en fait, qu'ils savent pas s'ils y vont ou pas, au final. C'est plus ce ressenti-là que j'ai. Et vous voulez ma version? Celle que j'ai lue en regardant ma boule et en lisant entre les lignes. Ah, toi aussi, t'en as une fameuse, la fameuse boule de série, là. Pour moi, honnêtement, là c'est de la fiction la plus totale. Hein. Sony a coupé le PSVR dans courant 2018. Ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours un attrait pour le PlayStation VR. Fin 2018, avec le Black Friday et le passage 2018-2019 et la pénurie totale de PlayStation Move. Et à partir de là, ils ont relancé la machine. Pour moi, ils sont en décalage. Ils ont décidé à un moment qu'ils arrêtaient la VR parce que c'était pas leur. Peut-être pour des problèmes internes ou quoi que ce soit par rapport à maximiser les synergies et l'énergie pardon, sur la PlayStation 5. Mais depuis, ils ont fait machine arrière, sauf que bon, bah, il faut relancer leur machine et peut-être une nouvelle voie, comme tu disais tout à l'heure, Majo, séparer le PlayStation VR et la Game PlayStation avec un prochain casque. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu une coupure qui a duré quelques mois, et ce retard, ben, ils sont en train de le rattraper péniblement. Ouais, c'est flippant, hein, c'est une supposition. Hein, mais... bah, il y a eu quand même pas mal de restructurations en interne aussi, hein, pendant 2 ou 3 ans, là, comme tu dis, entre 2017 ou 2018 et 2020, où il y a pas mal de têtes déjà tombées, hein. 3 têtes pensantes qui sont parties. Ça prouve que oui, il y a eu pas mal de réflexions dans la boîte, quoi. Et certainement que voilà, comme tu dis, le sujet a été mis sur le tas à ce moment-là, et qu'ils en ont tiré certaines conclusions, et que maintenant voilà, ils veulent remettre le nez dedans. Ouais, je pense. Mais bon, c'est des suppositions, encore une fois. Oui, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune preuve de tout ce qu'on apporte, comme dire, ça c'est sûr. Par contre, s'ils continuent, ils ont bien raison, parce que il y a quand même des projections qui sont faites sur le marché de la VR. Et elle va crescendo, quoi. En 2020, le bénéfice, il est de... Enfin, le chiffre d'affaires de la VR serait au niveau mondial, hein, pas que de PlayStation VR non plus, de 2,9 milliards de dollars, quoi. C'est pas mal. La projection en 2021, ça sera 3,5 milliards. 2022, 4,8 milliards. Et 2023, 5,7 milliards. Dans les projections, c'est une constante, enfin c'est une constante justement d'augmentation. C'est pas exponentiel non plus. Et peut-être qu'ils ont repris. Alors il y a eu le trou de 2019 de 2020 par contre. Hein. On a ressenti l'effet Covid, hein, bien entendu. Mais alors c'est Superdata qui font ça. C'est le groupe, la compagnie Nielsen. Donc c'est des données fiables, c'est des projections fiables. Et il y a un vrai marché, quoi. Donc ouais, Sony serait con d'arrêter maintenant, quoi, alors qu'ils se sont lancés depuis le début. Voilà. Et si tu couples les chiffres justement avec ce que tu peux ressentir quand même en allant sur des sites, en allant sur des forums, en allant en voyant un petit peu les questions qui sont posées sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, c'est que les gens attendent quelque chose, hein, de la VR. Ils n'ont pas envie que ça s'arrête du jour au lendemain. Hein. Ils n'ont pas envie de se retrouver en 2021 et que tous les projets soient complètement laissés à l'abandon. Moi, c'est un truc que je ressens vraiment, et ça dure depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mm-hmm. Bah, si Laurent était là, il nous dirait, que ils peuvent pas rien faire avec tous les brevets qui tombent. En plus, ouais. Ouais, ouais. Énormément. Parce qu'il y a toujours qui en fait. C'est voilà, comme on dit, on essaie toujours de lire entre les lignes, et on en discute énormément entre nous. Donc moi, honnêtement, les brevets, j'y mets pas 100%, j'y mets pas ma main à couper. Oh, mais ils ont fait énormément d'études, oui, et de travail. Mais quand tu laisses un bureau d'études bosser dessus, planer dessus, ça, y a aucun problème. Le bureau, il continue à travailler, à produire des brevets, ça, c'est pas un problème. Et puis, un brevet, c'est fait pour se protéger ou acquérir un élément qui sera peut-être utilisé par quelqu'un d'autre et il y aura une redevance à donner, un royalties. Donc non, là moi j'y mettrais pas ma main ni rien du tout à couper dedans. Ça, des brevets. Non, d'accord, mais s'ils y croyaient pas, je veux dire, comme tu dis, la branche. Ah, ils auraient peut-être coupé cette branche, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais. Si en termes de restructuration et tout, les mecs ils disent bon, la VR on n'en veut plus, vous arrêtez tout, quoi. Et bon, cette restructuration, comme on disait, ce moment de creux que tu estimes être entre 2018 et 2019, là. Ça coïncide pas avec un arrêt des brevets. Enfin, tu vois, ils ont quand même continué. T'en as des nouveaux qui tombent encore. Alors après, attention, pense... parce que Sony, c'est des créateurs. Hein. Donc. Ouais, je sais. Bah, de toute façon, puis il y a aussi cette offre d'emploi. Là. Le mec qui a été recruté chez Sony et pas chez PlayStation, dont on parlait, je crois que c'était il y a 15 jours, pour quelqu'un qui bosse dans le secteur VR pour développer. Je sais plus ce que c'était. Je me rappelle plus. Il faudrait que je relise la news. Mais voilà, ça veut dire qu'ils sont encore dedans et qu'ils embauchent pour ce secteur-là. Donc, après, ça veut dire que c'est pas fermé, encore une fois. Mais rien sur l'avenir du PSVR. Quoi. Je vais mettre une variante. Nous, on est passionnés de VR. On ne voit quasiment plus que par ça, on va dire, hein, à travers le prisme de la VR. C'est pas le cas de tout le monde et de la majorité. Et surtout la VR, elle est en train de changer, elle a commencé par le gaming, et là le phénomène est en train de s'accélérer, c'est la VR professionnelle qui est en train de prendre le pas. Donc Sony va là où va le marché aussi. Hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que développer des brevets, continuer à suivre la marche en avant de la VR, c'est peut-être pas que pour faire du jeu. Voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Hein. Moi, le but, c'est qu'ils continuent à faire des bons produits, qu'ils proposent du contenu varié, que ce soit professionnel ou des jeux, ou des expériences immersives telles que des films ou de l'éducatif. Mais parce que en plus Sony sait faire les produits, ils sont pointus, c'est des alors on va dire c'est des ingénieurs quoi. Mais en plus ça on peut mettre aussi en corrélation la présentation du Quest 2 justement par Facebook là. Voilà, c'est ce que Facebook Connect qui allait justement complètement dans ce sens-là, c'est-à-dire que la VR c'est plus du tout que du jeu, en tout cas Facebook a pas envie de faire uniquement du jeu vidéo comme ce qui était pensé avec Oculus au départ, et c'est pour ça que ça change de nom, c'est pour ça que on va dire la philosophie un petit peu d'Oculus et Facebook est en train de changer. Ils essuient pas mal de place en ce moment d'ailleurs. Ouais. Bah, bon, après ça on en discutera un petit peu plus tard déjà du Quest 2 parce que tu viens de le recevoir d'ailleurs Cyril. Je viens de l'ouvrir, voilà. Je l'ai reçu le day one, mais je n'ai pu l'ouvrir que cet après-midi. Ouais. Bon, on va faire une découverte quasiment en direct, tu vois. Ouais. Donc c'est très très bien. Donc voilà, ouais, on verra ce que ça donne. On est curieux en tout cas, très très curieux de savoir ce qui va se passer. Et on a fait le tour du coup, les gars, là-dessus. Ouais, pour terminer sur la note positive, c'est le marché de la VR, il est exponentiel. Et il serait vraiment dommage que Sony n'y reste pas. Voilà. Ça ne peut pas s'arrêter. Et Sony, ils ont un boulevard, ils ont vraiment des cartes à jouer à ce niveau-là. Et ça, on en est vraiment persuadé. Et on reste patient, mais ça commence un petit peu à nous saouler de rien avoir justement comme à manger à becter pour savoir, voilà, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va quoi, finalement. Et où est-ce que Sony va, ça serait pas mal qu'ils soient On veut être des Gepetto heureux. Pas des Gepetto malheureux. Moi j'en ai marre de prendre des petites miettes de tabac sur des clopes écrasées dans la route pour me faire une cigarette. Quoi. Moi je veux un bon gros barreau de chaise, tu vois, maintenant. Et moi de finir les 8-6, les canettes des 8-6 qui traînent dans le caniveau. Avec l'équipe de choc. Hein, ouais. Bon, alors du coup, on va passer à la suite. Sur PSVR, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus en termes de jeu en ce moment. Depuis Squadron, si je dis pas de conneries, il n'y a pas grand-chose qui est sorti d'intéressant en tout cas. De sortie, non. Il y a bien eu le petit article. Il y a Twilight Pass qui doit arriver. Ouais. Ouais. Qui devait arriver cette semaine d'ailleurs et qui, je crois, n'est toujours pas là. Enfin, sur le store, le store français. Ouais. Qui a l'air pas mal d'ailleurs, bon. C'est un petit jeu court, mais c'est un jeu d'énigmes, c'est plutôt joli. Ouais. Et voilà, donc j'aurais bien aimé mettre la main dessus. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, après, t'as Ninja, je me rappelle plus le nom, ça m'a. Ah, là, c'est Perp qui. C'est Perp Games, je crois, qu'il l'a sorti celui-là. Ninja ? Ouais, ça sort demain, il me semble. Il est où ça ? Et ben, on en parlera dans deux semaines du coup. Écoute, j'espère. Ouais, mais c'est malheureux, il n'y a rien à dire, quoi. C'est fou. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, sur PSVR, il n'y a rien de très probant. On va dire. Désolé, on essaie de mettre le plus d'émotion possible. mais c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est Ninja Legends. Voilà. Là, ça va envoyer du sabre. Ouais, c'est un Free Ninja, quoi. Ouais, trop bien. Il sort demain. Super. Demain, avec 18 niveaux, 18 niveaux, 4 niveaux de difficulté. Ouais, ça va envoyer du bois, je pense. Hein. donc c'est le 30, hein, voilà, parce que demain ça sera hier quand le, ah oui, quand voilà, le oui, podcast oui, oui. sortira. Et donc nous allons tourner nos regards ébahis vers le PC, vers un jeu qui vient de sortir. Vendu vers Fort Player. C'est moche. Ouais, carrément. Mais en même temps, j'ai pas honte du tout. Et c'est la sortie d'un petit jeu que j'attendais pas. Qui m'a fait de l'œil et qui est une sacrée bonne surprise. C'est un petit jeu indé qui coûte, que je vous dise pas de bêtises, il coûte 10,43€ en ce moment avec les promos Halloween. Et normalement, il est à 11,59€, donc un prix plus que raisonnable. C'est Phasmophobia. qui est complètement dans l'air du temps parce que c'est un jeu, on va dire, c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu de chasse aux fantômes. Je sais pas si vous avez vu le film Grave Encounter. Non, moi, tout non. ce qui est horreur, tout ce qui est horreur, ça, non, ça, t'aimes pas. Horreur, malheur, t'aimes pas. D'accord. C'est, en fait, c'est, tu suis une équipe, enfin, dans Grave Encounter, tu suis le film, tu suis une équipe de chasseurs de fantômes qui vont dans un espèce d'asile abandonné pour avoir des sensations fortes. Et puis voilà, il y a un petit peu le côté what the fuck des émissions un petit peu préparées où ils essayent de faire du sensationnel à tout prix. Mm-hmm. Et puis ça se passe très mal forcément. Et puis voilà, moi je veux pas vous raconter le film, mais en tout cas c'est un film avec une super bonne ambiance dans le genre. Et bah là c'est exactement la même chose mais en jeu vidéo, c'est à dire que c'est un jeu coop, on joue à 4, il y a 7 maps différentes, ça va des petites maisons aux granges abandonnées, des petits chalets en bois, enfin même plutôt des gros chalets en bois, jusqu'à un asile psychiatrique abandonné ou une vieille école, mais qui est vraiment immense par contre, avec des cinquantaines, voire même plus, à peu près 70 pièces à chaque fois. Et donc avec tes petits copains, eh ben, tu vas devoir essayer de trouver des preuves qu'il y a des fantômes justement dans ces lieux-là. C'est-à-dire quand tu es engagé par quelqu'un et tu dois aller sur les lieux pour avec ton petit récepteur EMF, je crois qu'il s'appelle. Tu dois voir si tu trouves pas des trucs bizarres qui se passent, des bruits bizarres, si t'as pas des températures qui tombent, s'il y a pas des esprits qui rôdent. Et pour ça en fait, donc tu dois visiter les lieux, tu dois appeler, tu parles beaucoup en fait dans ce jeu-là. Donc tu parles avec tes collègues au talkie-walkie quand ils sont un petit peu trop loin. Ouais, parce qu'il est coop. Hein. Au... Ouais. Il est coop, ouais. Oui, il est complètement coop, ouais. Et t'as rien pour te défendre, hein. C'est pas du tout un jeu avec des guns ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un côté, on va dire, réaliste de spiritisme. C'est-à-dire que tu vas utiliser plein de matériel, comme tu peux voir dans les émissions de télé, justement, de chasseurs de fantômes, pour essayer de trouver ce qui hante les lieux. C'est un peu le principe des films Paranormal Activity. C'est complètement ça aussi. C'est exactement ça. Sans en avoir le nom, du coup. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est... Fin... C'est limite mieux que la version officielle de Paranormal Activity. Pour moi, c'est bien simple. Hein. Phasmophobia, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un truc que je m'y attendais pas. T'as une ambiance de dingue. Quand tu joues avec tes potes, t'es vraiment dedans. Et un truc très très important, c'est que tu peux jouer en VR, bien entendu, et tu peux aussi jouer en plat. Et ce qui est très bien, c'est que tu peux jouer avec tes potes qui ont pas de casque VR, et tu peux jouer sur la même partie. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, mais je viens juste de sortir une vidéo de présentation, de preview de ce jeu-là. Je suis le seul à avoir un casque, et mes trois autres potes, ils jouent sur écran plat. Et c'est super. C'est triste. Bah, c'est triste pour eux. Oui, oui, tout à fait. mais ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, c'est que même sur écran plat, c'est, enfin, au niveau de l'ambiance et au niveau de la trouille, c'est quand même assez saisissant déjà. Alors imaginez en VR ce que ça peut donner. Non, c'est vraiment génial. Tout est une histoire de son, tout est une histoire de communication justement aussi avec le fantôme, d'apparition. Et au bout d'un moment, quand t'as déterminé dans quelle pièce il était. Après, tu veux essayer de communiquer déjà avec lui. Donc, t'as une petite radio où tu peux communiquer avec lui, où il va pouvoir te répondre. T'as des tables de Ouija, je sais même plus comment c'est. Enfin, Ouija. Ouija, voilà. Que tu peux utiliser. La Ouija, c'était une console. La Ouija, ouais, c'était une console défunte, fantôme, ouais. Maintenant. Le petit cube. Et voilà, donc ça, c'est la première phase. Donc, déjà déterminer ce que c'est comme fantôme. Ensuite, tu récupères des preuves. Et quand t'as les trois preuves, par exemple, une trace de main. Que tu vas sur une fenêtre ou sur une porte que tu vas pouvoir voir avec ta lampe UV, la température qui baisse, il y a plein de choses en fait, et il y a énormément de fantômes différents, et chaque mission est aléatoire, donc chaque mission ne ressemblera pas à une autre. Et une fois que tu as déterminé ce que c'était, et ben là il va falloir le prendre en photo, et pour le prendre en photo il faut le chercher un petit peu, donc il faut dire son nom, faut essayer de discuter avec lui. Ouais, c'est carrément un jeu de spiritisme en fait. Ah, c'est un jeu de spiritisme. Ah, oui, mais le but c'est quoi alors? Tu le prends en photo, mais tu essaies d'en faire. Après, une fois que tu as réussi à avoir le contact avec lui, tu fais sa psychanalyse, tu fais quoi? C'est quoi le but? C'est de le virer, de le chasser, de le. C'est en fait, ton but principal c'est de déterminer ce que c'est comme fantôme, comme type de fantôme. Ça peut être un esprit, ça peut être un cauchemar, ça peut être un djinn, ça peut être plein de choses. Et on va dire que ça, c'est ta mission principale. Après, tu as d'autres missions secondaires. Par exemple, prendre le fantôme en photo, si tu peux. Ouais. Ça peut être... je sais pas... Enfin, de toute façon, c'est complètement aléatoire à chaque fois. Et une fois que tu l'as pris en photo, tu as aussi des outils que tu peux acheter au début de ta mission. Avec l'argent que tu gagnes en terminant des missions, tu as des outils pour apaiser le fantôme, voire même le chasser. Par exemple, pour certains types d'esprits, tu mets de l'encens, tu vois, et comme ça, il se calme. Ou tu mets un crucifix, comme ça, il se calme aussi. D'accord. Et puis, une fois que tu as terminé, et puis si tu arrives surtout à avoir ton équipe complète sans que personne se soit fait buter, et je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Parce qu'ils sont cons, en plus, ces fantômes, quoi. C'est pas que des... ok. Et bah, une fois que t'as voilà, tous tes indices et que tu valides tout dans ton petit carnet, et ben, tu peux te barrer et après tu gagnes de la thune. Mais ce qui est important, en fait, c'est très bizarre à expliquer, c'est pas la finalité de ta mission qui est importante. C'est la mission. C'est son déroulé. Ouais, ouais. C'est son déroulé. Toi, c'est ce que tu vas vivre en faisant ta partie. Et je dis bien vivre, hein, parce que t'as certaines missions, t'as beau être entouré de tes potes, t'es tout seul. Hein. Et tu te sens vraiment tout seul. Mais oui, c'est vrai que c'est ce qu'on remarque dans ta preview, pardon, c'est que vous êtes vachement éclaté en fait dans votre enquête, pardon. Et pourquoi d'ailleurs, voilà, pourquoi vous êtes éclaté, c'est ce que je voulais dire, merci. je pense que vous parlez de la dernière mission, la troisième mission, c'est celle dans l'asile. Même la première, si tu veux, c'est un. Ouais, même dans la petite maison là. Parce qu'au début justement, tu sais pas où est-ce qu'il est le fantôme, donc du coup tu dois visiter toutes les pièces pour avoir juste un petit indice. Oui, mais tu sais très bien que dans tous les films d'horreur, la solution de se séparer, c'est toujours la mauvaise. C'est ça. Et ben, donc scientifiquement, c'est prouvé, voilà. D'accord, donc c'est délibérément que vous partez chacun dans votre direction. C'est pas le jeu qui vous a popé à des endroits différents. Non, tu commences en fait dans une petite camionnette avec tout ton matos, avec tes caméras, avec ta santé mentale, enfin la jauge de la santé mentale, avec la carte du bâtiment, avec voilà, plein de choses, et puis tout ton matos surtout. Donc tu choisis ton matos et puis après tu y vas. Donc tout le monde part du même endroit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, en amateur, tu as 5 minutes pour déterminer où est le fantôme. Au bout de 5 minutes, il va devenir agressif. Tu vois, il va commencer vraiment à titiller. Donc le mieux, c'est d'essayer, pour préparer ta mission, c'est de déterminer où est-ce qu'il y a l'esprit assez rapidement pour pouvoir ensuite prendre tout ton matériel, placer tes caméras infrarouges, mettre tes outils en fait pour essayer justement de le chercher, le titiller un petit peu plus. Et c'est pour ça qu'on se dispatche au début de partie pour très très rapidement savoir où est-ce qu'il est. D'accord. Et dans les bâtiments qui sont énormes comme l'école abandonnée ou l'asile psychiatrique, et ben là c'est encore plus important. Mais là par contre, t'es pas deux personnes dans une pièce l'une à côté de l'autre, là t'es carrément dispatché dans les ailes de l'asile. Et là, en fait, tu peux uniquement parler avec tes potes, avec le talkie-walkie, mais tu restes seul ça, quand même. Le talkie, j'ai trouvé seul. Ça super. Là. C'est un bon rendu, je trouve ça sympa, ouais. C'est vraiment sympa. Ouais. Et en plus, ouais, comme le concept est cool. Ouais. Quand tu peux voir, c'est dans la vidéo, c'est qu'à un moment, je me fais courser par l'esprit, et le talkie fonctionne plus. C'est-à-dire que t'as un son super bizarre. Je commençais à courir dans les couloirs, enfin courir. Le personnage est très lent, mais bon, c'est pour l'ambiance. Mmh. À essayer de m'échapper dans les couloirs, et j'essaie de parler à mes potes, je dis ah, vous m'entendez, et je suis en panique en fait, hein. Mais vraiment parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a la lumière qui commence à clignoter, tu t'es paumé, bah, donc, en plus parce que... Ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent à créer une sorte de dépendance avec ton groupe et à te l'enlever en fait à des moments fatidiques. Ah oui. Et j'avoue que c'est bien pensé ça. Parce que bon, des jeux VR, comment dire, d'horreur, t'en as fait un paquet où tu te retrouves tout seul et tout. Et donc là, bon, ça devrait pas changer d'habitude, mais c'est vraiment, ouais, j'aime bien cette idée de t'obliger à communiquer avec tes potes et de te l'enlever direct pour te faire encore plus flipper. Je trouve ça bien amené, mieux pensé qu'un jumpscare pour le coup. Ah bah non, oui, non, c'est pas du tout jumpscare. Hein. Enfin, t'en as de temps en temps quand tu te fais attaquer, par exemple, voilà, tu peux être surpris un petit peu, mais c'est pas, du jumpscare bas du front. Le jeu, pendant ta partie, passe son temps à faire monter la sauce par petites touches, petit à petit. Et puis mine de rien, le cerveau fonctionne à 100%, pour peu qu'on soit un petit peu sensible justement au spiritisme ou des trucs comme ça, voilà, tu es vraiment à fond dedans, quoi. Tu crois entendre des bruits, mais tu sais même pas si tu les as rêvés ou pas. Comment vrai. comment vrai, c'est ça. Comment vrai. À un moment, la poutre qui craque, c'est quelqu'un qui marche au-dessus, quoi. Tu vois. Mais c'est ça. Toi, par exemple, les esprits, de temps en temps, tu sais, quand tu parles trop, par exemple, ils te soufflent dans les oreilles, quoi, ou ils te disent chut. Ah ouais, juste dans ton oreille. Juste dans ton oreille. Je peux te dire que t'as des frissons. Hein. La première fois que je l'ai entendu, j'étais pas bien. Oh là là, donc, ça doit être un truc de fou. Ouais. Et donc, tu peux jouer à 4, mais tu peux aussi jouer tout seul. Enfin, ou après, tu peux jouer à 3, à 2 et tout seul. Mais tout seul, voilà, le truc, c'est que faut être rapide et moins efficace. Et surtout, faut avoir de sacrés coronesses, je pense, pour, ouais. pour y jouer tout seul en VR. Ouais. Par contre, le petit murmure au creux de l'oreille. J'ai une question, c'est un studio français, parce que dans ta vidéo, vous parlez qu'en français. Et, ce qui est normal, puisque les acteurs sont français. Mais par contre, tu dois communiquer avec le fantôme et tu communiques en français. Mmh. Oui, alors ça c'est très bon point, un extrêmement bon point pour ce jeu-là, c'est que donc le jeu est dans plein de langues différentes, il est en français, il est en anglais, il est en portugais, il est en espagnol, et je crois qu'il y a 25 langues qui sont prises en charge dans le jeu. D'accord. C'est-à-dire que c'est des traductions des textes, donc par exemple pour de ton tableau de mission, des options, etc., donc c'est tout en français, et tu as une option... Pour tester ton micro, il te demande de parler dans ta langue pour pouvoir déterminer à quelle langue le fantôme doit répondre. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dois communiquer, tu ne dois pas dire « Hello, are you there ?» ou un truc comme ça, forcément en anglais. Tu dois lui demander en français. Et lui, il comprend ce qu'il te dit avec des phrases, on va dire, un petit peu... Oui, il a une bibliothèque de mots et de phrases. C'est un jeu ouais. Ah, j'allais dire, c'est un jeu qui oblige une connexion Internet Bah, c'est un jeu coop. En multi, donc oui. Ouais, donc, quelque oui, part. Donc il peut aussi puiser à la manière, à la manière d'un Google Trad ou un truc d'un du genre. Ou d'un Siri. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt une bibliothèque voilà, de phrases toutes faites avec une reconnaissance de certains mots. Par exemple, quand tu lui demandes comment tu t'appelles, bah, il peut essayer de te répondre. Tu vois, Parce que c'est vrai que je vais faire une aparté qui n'a rien à voir. Enfin, c'est pas un point particulier sur le jeu, pardon, mais. Est-ce que ça serait pas une bonne idée justement pour les problèmes de traduction de langue de fonctionner comme ça avec des assistants vocaux à la manière d'un assistant vocal pardon pour traduire ton texte connecté à internet? Ouais. Ah probablement. Mais ça, si tu peux ça solutionnerait le problème de développement, non? Bah le problème enfin le truc je pense c'est que ça sert à quoi de traduire un jeu à la volée pendant que tu joues avec un outil te permettant de le faire automatiquement pour les textes? Pour les textes, alors que le développeur peut le faire aussi rapidement une fois pour le développement de son jeu. Bah, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas si rapide que ça puisqu'ils le font pas tous, du moins. Donc, je me dis que ça doit prendre du temps et coûter un peu d'argent. Donc, c'est pour ça que je voyais cette solution. Bon, enfin, c'était une aparté, un truc auquel je pensais par rapport à ce que tu disais. Mais voilà. Ok, très bien. Merci Majo. Désolé. On en parlera au prochain développeur qu'on accueillera au podcast, si tu veux. Ouais, je veux bien. Pour lui demander non, directement. Non, mais c'est une question je trouve pertinente et j'aimerais bien voir la réponse. Et bah, ok. Bah, on demandera. Donc voilà, Phasmophobia, cette map, pas cher, jouable en coop, trouille assurée. Donc, par contre, c'est sur PC. Génial. Et c'est sur PC. Alors pour le moment, voilà, on a demandé au développeur s'il était prévu sur PS4 et surtout PSVR. Ils ont botté en touche à chaque fois. Enfin, ils étaient vraiment pas sûrs. Ils ont pas dit oui, ils ont pas dit non. Comme Sony, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont une communication un petit peu à la Sony. Mais voilà. Enfin, franchement, très très bonne pêche. Même si vous avez pas de casque VR sur PC et que vous avez un PC qui est suffisant pour le faire tourner. Même en place, apparemment, ça vaut bien, bien le coup. Hein. Bien, bien le coup. En tout cas, pour moi, c'est le jeu de fin d'année clair et net. D'accord. En tout cas, pour Léonie. Bon, en tous les cas, la vidéo est sympa. Donc, on vous invite à aller la voir. Par contre, la compression est absolument dégueulasse. Et ça, je m'en excuse. L'image n'est pas très bonne. Elle est assez sombre à cause de YouTube. Mais bon, au moins, ça vous permettra de vous faire une petite idée sur ce que le jeu propose. Vous attendez pas à un jeu d'action, c'est pas un jeu d'action, c'est un jeu de défense, c'est un jeu de trouille, c'est un jeu d'exploration et d'enquête, exactement. Voilà, il n'y a pas de flingue ni quoi que ce soit, c'est pas Ghostbusters, quoi. Mais c'est diablement efficace. Donc voilà, bah, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus, à part que j'ai juste une envie, c'est d'y retourner avec mes potes pour pouvoir y jouer. Non mais ça sent, en plus il y avait du vocabulaire technique, situation, tout ça, là. Vite, il est là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je pars en courant. C'est ça. Ah non mais c'est vraiment des... Ah ouais, mais tiens, j'ai une question, et alors le... Ouais, tu l'as dit déjà, mais le fantôme ou le djinn, ou suivant la mission, il flingue. Lui, il flingue par contre. lui il flingue. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, que quand il commence à être énervé, donc t'as ta lumière qui commence à clignoter, enfin si t'as une lumière, hein, qui commence à clignoter, et t'entends des bruits de pas. Et c'est celui qui va avoir la santé mentale la plus basse qui va se faire courser. D'accord. Donc tu le vois arriver, tu vois une apparition. Enfin, des fois, tu le vois du coin de l'œil, tu entends où il est. Il te fonce dessus, c'est sûr. Mais t'es jamais bien sûr en fait de ce qui te fonce dessus. Et puis t'as intérêt de te barrer très très vite. Et donc après, t'as des outils comme par exemple dans la vidéo, on voit, on a posé un crucifix. S'il n'y avait pas eu le crucifix, le fantôme m'aurait sauté dessus direct et j'aurais été mort, quoi. Là, j'ai pu m'échapper. D'accord. Mais donc lui, son but en tout cas, c'est au bout d'un moment, quand tu commences vraiment à l'énerver et à trop le chatouiller, c'est de buter quelqu'un. Et donc quand il bute un des participants, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Le participant, après, il peut plus communiquer avec son équipe, déjà. Ouais. Il est mort. Donc il est mort, même dans la partie il est mort, tu peux plus l'entendre. Mais lui, il peut voir un petit peu ce qui se passe à travers la carte, okay, de la map. D'accord. Voilà. Et puis il gagne pas de thunes à la fin. Ouais, de toute façon, il est mort, aussi, il en a pas besoin. Voilà. Et aussi tout le matos qu'il avait sur lui est perdu. Et d'ailleurs, tout le matos que tu peux laisser dans un endroit est perdu. Et ouais, parce que t'as un système de progression aussi. T'as un système de progression avec de l'expérience et surtout des sous qui vont te permettre justement d'acheter du matériel en début de partie. Et ce matériel, je te dis, hein, quand tu le laisses dans la pièce alors que tu viens de te faire courser par un fantôme qui est ultra vénère. Et tu dois le racheter du coup. Et tu dois le racheter, ou alors si t'es suffisamment courageux, faut aller le récupérer. Mais je te modifie. C'est bien pensé. D'y aller. Il y a plein de choses qui sont bien pensées. Alors voilà, c'est un jeu en bêta, c'est un early access plutôt. Il y a beaucoup de bugs encore. Mais rien qui gêne vraiment à profiter du jeu et puis à passer un super moment. Mmh. Donc pour le prix, foncez vraiment. Et puis c'est d'accord, tout. D'accord, ouais, bah, ça a l'air bien frais tout ça, c'est pas mal. C'est vraiment très très bien. Donc eh ben, on va parler maintenant un petit peu de matos. Donc Cyril, comme on le disait tout à l'heure, tu as pu mettre tes mains potelées sur ton Quest 2. Ouais, ouais, ouais. Et tu vas nous dire quelles sont tes impressions. Est-ce qu'il est doux au toucher? Comme tes fesses. Est-ce qu'il sent bon? D'accord. Non, non, non. Flatté, mais bon. Non, non, mais écoute, comme on avait fait le soir de la conférence d'Oculus, j'avais précommandé le casque. Donc, il a été livré en temps et en heure, donc le 15 ou le 16 octobre. Mais bon, j'étais en déplacement professionnel, donc j'ai pas pu mettre la main avant tout à l'heure. Et je suis, comment dire, comme toujours content d'ouvrir, puisque j'ai eu le premier casque Quest également. Le premier packaging, Quest, il est super, c'est bien rangé, c'est propre, ça fait vraiment très pro. Les différences par rapport au premier que j'ai pu relever actuellement, c'est il est plus petit, il fait beaucoup plus compact. Ouais. Il est... Il y a moins de profondeur, il est moins large pour moi, je trouve. Alors, par contre, je l'ai plus le premier, donc j'ai pas pu les mettre côte à côte et les comparer. Mais de souvenir, déjà, il est beaucoup plus compact, il est un peu moins lourd. Ça se ressent d'ailleurs quand tu le portes. Par contre, je trouve la sangle d'origine nulle, dégueulasse, quoi. Enfin, je trouve. Ah ouais. Ça fait vieux élastique, tu sais, en tissu extensible, là. Vieux masque. Ouais, le bandeau pour éponger ta transpiration quand tu joues au tennis. Ouais, un peu, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, alors que le premier, il me semblait que c'était plus cossu, ça faisait plus solide. Alors, peut-être moins confortable, ces sangles sur le premier que sur le deuxième. Mais bon, je suis pas sûr qu'à la longue, ça soit vraiment efficace. Voilà. C'est bizarre ça qu'ils fassent une nouvelle version avec une fixation plus cheap, quoi. C'est peut-être pour te vendre justement les accessoires supplémentaires. Après, ça t'apporte du confort. C'est le système de... Tu le mets plus facilement que le premier, je trouve. Hein, là. Alors là, c'est vraiment un retour à chaud, hein, parce que j'ai touché à peu près une heure et demie. Donc peut-être que mon avis là du moment sera changé d'ici quelques jours. Hein. Mais ça c'est un peu le point négatif. Alors après, bon, il y a des boutons qui ont changé, il y en a qui ont disparu, notamment pour changer l'écart interpupillaire. Maintenant on va directement sur la lentille elle-même et on pousse, enfin on agrandit ou on diminue Il y a trois positions. Ouais, ça se fait plus de manière numérique en fait, c'est plus automatique. Avant c'était mécanique, mais t'avais un bouton. D'accord. Voilà. Et là maintenant, c'est le bouton n'y est plus et il faut y aller. C'est toi avec tes doigts. Là, donc t'as le châssis de la lentille. Tu viens sur le châssis et puis tu écartes si tu veux agrandir la distance interpupillaire ou tu rapproches quoi. Voilà. Alors, bon, ça aussi au début j'y suis allé avec parcimonie. Je voulais pas tout casser. Mais tu m'étonnes. Ok, sinon j'ai l'impression que, alors la texture du plastique à l'époque, il y avait la façade avant où tu avais les quatre caméras qui étaient dans un plastique et tout le châssis, tout le restant du châssis par contre était recouvert d'un tissu, c'était vraiment sympa. Là c'est plus le cas, c'est que du plastique, mais je trouve qu'au toucher il est sympa aussi. Voilà, donc bon. Est-ce qu'il tient bien dans les mains, parce que c'est important, surtout pour un casque qui n'a pas de fil aussi, qui ne te tombe pas des mains quand tu le mets. Non, bien. Tu as un peu cet effet peau de pêche, tu sais. Ah, d'accord. Voilà, ouais. Donc. Non. Comme mes fesses, quoi. C'est ça, tu vois, pourquoi je l'ai dit. Mais non, ouais, voilà, c'est du bon plastique, je trouve, pour l'instant, quoi. Alors après. Vraiment c'est à chaud hein, mon retour, donc peut-être que plus tard je vais dire ouais c'est du plastique qui se raye facilement ou quoi que ce soit quoi. Voilà, mais il est plus compact, voilà, et donc porté sur la tête il est un peu moins lourd, voilà, c'est super important ça. Oui, c'est très parce que l'autre, malgré la batterie, l'autre pesait hein. Alors t'as la batterie sur la face avant hein, comme l'ancien hein, au niveau de l'écran, mais il est un peu plus léger, ouais, je trouve, voilà. Par contre, voilà, tu vois, au bout d'un moment, j'ai quand même eu un échauffement sur le devant. Bon, si on doit le comparer à la Rolls du confort qu'est le PSVR, c'est sûr que là encore une fois, ouais, il est devant quoi. Dans cette configuration de base, hein. Voilà. Parce que bien entendu, il y a différents accessoires qui sont vendus avec les Elite Stripe et les Elite Stripe avec batterie. Qui là apporteront un confort semblable à l'Oculus, au Rift S, je pense quoi. Ouais. Toi qui l'as, tu dois. Oculus. Les sangles Elite, pardon, qui ont quelques soucis techniques aussi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y en a pas mal qui. En fait, il y en a pas mal qui se cassent. Ah ouais, d'accord. Sérieux ? Ouais, à la longue. Enfin, à la longue, même pas, puisque ça fait pas si longtemps que ça. Mais il y a pas mal de retours comme quoi la sangle, en fait, elle se sectionne en deux, quoi, au bout d'un moment. D'accord, ok. Bah, écoute, je dirais ça. En fait, tu vois, pour vraiment rester pur dans ma découverte du casque, j'ai fait le blackout de toute information concernant le casque. Donc, tu vois, tu me l'apprends, là. Ouais. Et puis, c'est bon à savoir, parce que j'avais commandé le casque, plus l'Elite Stripe avec batterie. Donc j'étais tout content et puis tout à l'heure gaffe à la sangle, ouais, parce qu'il y a en ouvrant mon paquet donc c'est pas moi qui ai pu le récupérer. Tiens, j'ouvre le paquet, je sors les éléments, je dis mais il me manque la sangle, elle est où cette sangle? Alors là ça a commencé, les nerfs me sont montés, les vers me sont montés au nez, tu vois, j'ai commencé à contacter Oculus qui ont été hyper rapides à répondre, donc par le chat hein. De suite, ils ont dit, ouais, votre numéro de commande, c'est le tel, votre colis, il est à tel endroit, il est en attente, quoi. Donc, en fait, mon livreur, UPS en l'occurrence, m'a pas informé que j'avais un colis. D'accord. Donc, voilà, donc je suis en attente d'aller Après, récupérer. Des formations professionnelles, mais tu as les numéros de tracking UPS pour savoir où sont tes colis, d'ailleurs. Oui, sauf c'est que plutôt... quand j'ai eu mon premier numéro UPS, et le seul, d'ailleurs, c'était pour le casque. D'accord, tu vois, okay. Donc, et quand on est allé chercher mon colis à ma place, on a donné que le casque, tu vois, il n'y avait qu'un article, pas les deux. Bon, en tout cas, ça arrive, je veux dire, c'est pas une erreur de la part d'Oculus, de Facebook, dans l'envoi, quoi. C'est non. Pas comme si ils avaient carrément oublié. Non, ça, c'est pas une erreur d'Oculus. Par contre, si j'avais quelque chose à dire sur Oculus, je trouve que l'information du suivi, dans vous dire, tiens, on vous a expédié le colis ou quoi que ce soit. C'est à revoir, parce que là, à ce niveau-là, c'était le néant le plus total. Le néant le plus total, d'accord. Il fallait que j'aille dans la commande initiale, relancer un lien qui me réouvrait sur la page de ma commande. Alors là, j'avais effectivement tout le détail avec les articles commandés, le prix, la TVA et tout ce qui va avec. Par contre, quand j'allais sur le site Oculus, j'avais aucune information de commande en cours ou quoi que ce soit. C'était ouais, il y a un moment, d'accord, j'ai flippé quand même, tu vois. C'est voilà. Mmh. Et même à réception du colis, je me suis allé amuser à aller chercher ce lien de commande, et il y avait toujours marqué ma commande est en traitement, tu vois. Donc ouais. Ouais, ça, de ce côté-là, c'est la tâche d'ombre. Mais bon, je l'ai reçu en temps et en heure, donc ça, il n'y a aucun problème. Et puis cet après-midi, quand je les ai contactés par chat, j'ai eu la réponse de suite. Et puis avec le lien prévu du PS et tout. Donc il y avait un bon suivi. Donc ça m'a rassuré. Voilà. Après, dis-moi. Oui, ouais, moi j'avais une question aussi donc, sur les contrôleurs, parce qu'on a vu justement sur la présentation du Facebook Connect qu'elles avaient été un petit peu modifiées par rapport à ce qui était disponible sur le premier Quest et sur le Rift S. Tu as ressenti toi une différence Alors honnêtement, j'ai pas de souvenir du premier jeu du Quest 1. Par contre, j'ai trouvé qu'il me semble bien que tout ce qui est retour d'informations, c'est plus sensible, je trouve. Tu vois ? Comment ça ? Ouais. Plus sensible. Plus sensible dans le sens où t'as plus d'informations qui te reviennent dans la main. Ah, tu veux dire la vibration haptique dedans ? Ouais, tout ce qui est tout ce que peut t'offrir la manette, c'est je trouve que c'était ça par contre ça m'a fait tilt, tu vois, c'est voilà. Mais par rapport à quoi, à l'ancienne version ? Oui, par rapport à l'ancienne version. Oui, pas les moves. Hein. Oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Dans les moves, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle main. Ouais, ouais. Donc oui, par rapport après niveau gabarit, c'est les mêmes, hein, il me semble. Ouais, comme toujours, voilà, j'ai pas pu les comparer par rapport à l'ancien modèle comme je l'ai plus, donc ouais. Ça oui. Et t'as toujours le mode toucher sur les contrôleurs aussi ? Oui. Donc le fait de toucher un bouton, ça fait une action sur tes mains au moins déjà dans l'interface. Toucher ou lâcher. Tu vois, t'as le trigger, par exemple, si tu le lâches, ça, c'est comme si tu pointais ton index. Donc pareil pour le pouce. Enfin, ouais. Et puis bon, maintenant tu peux. J'ai commencé à dépatouiller un petit peu les applications, tout ça. Là, t'as, par rapport à étudier tes mains et. Pour faire des applications avec. Non, ça a l'air pas mal. Alors après, pour revenir à la partie physique du casque, alors à confirmer ou pas, hein, mais donc le casque est pourvu de 4 caméras, donc ça n'a pas changé. Mais il me semble bien que les caméras qui sont sur les côtés sont un peu plus sur les côtés que la version numéro 1. Tu vois ? Ouais, c'est justement pour quand tu mets vraiment tes bras, quand tu fais la croix avec tes bras. Que, la croix, ou tu vois, du coup, j'ai relancé la démo de ah là là, de Creed, Rise to Glory, et je me souviens que quand je mettais les mains contre ma tête, donc contre le casque, il y avait des pertes de connexion ou des choses comme ça, notamment quand après je refaisais un jam devant. Et là non, par contre, là je me suis amusé à tester ça, et donc il me semble bien, c'est ce qui m'a fait après regarder un peu et comparer par photo les deux casques, il me semble bien qu'elles sont, alors pas de beaucoup, mais un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, donc juste pour une efficacité supplémentaire par rapport au tracking. Tout à fait, ouais. Donc ça c'est bien. Ouais. Ok, et donc du coup, t'as eu l'occasion aussi de l'essayer concrètement. Oui. Est-ce que t'as eu l'effet waouh ? Ouais. ouais. Oui, alors quand tu t'essayes pas, ouais, du coup. Oui, je l'ai eu. Alors toujours pareil, en corrélation avec l'ancien, hein, en me souvenant de l'ancien, et sur le home, l'écran il est bien plus sympa, quoi. Ouais, l'effet des grilles est moins présent. Ouais. D'accord. Ouais, il y en a quand même un. Oui, il y en a quand même un. Hein. Tu l'aperçois. Alors il a tendance à se rapprocher sur certains angles au PSVR qui fait cet aspect granuleux de poussière, ouais, tu vois, et donc suivant certaines textures il va s'en rapprocher, et suivant d'autres tu vas avoir un quadrillage très fin apparaître, voilà. Mais par contre il est bien plus beau que le précédent, ça par contre je peux vous assurer qu'il est bien plus bien plus performant, voilà. C'est pas juste qu'une notion de données de chiffres techniques sur une revue. Ça se voit. Tout à fait. Ça se voit. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Et pareil dans si je fais le comparo de souvenirs avec Creed par exemple, La version PSVR, vous rappelez, il y a du monde dans la autour du ring. Vous vous souvenez de ça? Vous avez le ring, il y a des spectateurs. La version numéro 1 du Quest, c'était très dépeuplé. Et là, par contre, ils ont rajouté du monde. Alors, c'est toujours les mêmes personnages, mais les alentours proches du ring, il y a des spectateurs, et même dans les tribunes, il y a des spectateurs. Alors que de souvenirs sur le numéro 1, il n'y avait pas. Hein, c'était vide. Ouais. D'accord. Et c'est plus net aussi. Ouais, c'est plus net. Enfin, je veux dire, pour tout ce qui est, décor, on va dire, en arrière-plan. Ouais. Ouais, c'est plus net. Alors après, j'ai pas essayé énormément de titres. Hein. J'ai fait Beat Saber. Enfin, là, tout ce qui était gratos pour l'instant. Il y a encore pas tous. Mais. Non, il y a vraiment l'écran apporte un plus, et puis la puce à l'intérieur également. Quoi. Là, vraiment, ce qui est flagrant, c'est sur Creed. Ouais. D'accord. Mais tu avais bien un compte, de toute façon, Oculus, avec ton premier Quest. Ouais, mais du coup, j'ai dû l'affilier avec. Comment dire, oh, c'était surtout des démos que j'avais. Hein. J'ai dû l'affilier avec mon compte Facebook. Ah d'accord, mais il t'a obligé à le faire ? Ouais, il m'a proposé de le faire, mais bon, du coup, comme j'y étais, ouais, je l'ai fait. Ouais. Parce que justement, moi, ce message aussi, je l'ai eu il y a deux semaines à peu près, peut-être un peu plus, sur le Rift S, où il disait, voilà, je crois que c'est en 2023, je crois bien que c'est 2023, le compte Oculus fonctionnera plus, il faut l'affilier avec votre compte Facebook. Là, il te propose de le faire, mais tu peux te connecter avec ton compte Oculus. Moi, je suis toujours sur mon compte Oculus, je pense attendre, peut-être pas le dernier moment, mais je vais attendre un petit peu avant de le mettre avec de me créer un nouveau compte Facebook pour pouvoir mettre mes jeux Oculus dessus, quoi. D'accord, ouais. Parce que j'ai pas envie de foutre mon vrai compte, quoi. Ça m'emmerde. ok. Voilà, non, voilà. Très voilà. Bien. T'as des questions, Majo, du coup ? Non, enfin, hormis... si, pardon, du coup. la dalle, par rapport au PSVR, globalement, elle est meilleure ? Alors, dans le rendu, pas techniquement, parce que techniquement on le sait, mais dans le rendu. Je trouve que le rendu est plus limpide. Je parle que de la dalle, hein. Je parle pas de la puissance derrière du processeur ou quoi que ce soit. Quand je parle de la dalle, je parle de la résolution et aussi de la colorimétrie, du fait que c'est OLED. Il est plus LCD. Alors honnêtement, tout à l'heure vous m'avez posé la question, j'ai eu l'effet waouh, mais vraiment par rapport au rendu de. Tu as dans le casque. Ouais. La qualité du truc. Oui, la qualité de l'écran, en fait, des deux écrans. Ouais. Et ça doit certainement en plus te sauter à la gueule quand tu joues à des jeux comme Beat Saber qui sont très colorés, qui sont très flashy, où tu as des gros contrastes avec pas mal d'effets de lumière aussi. Ouais. Sur un bel écran, ça doit vraiment bien rendre. Voilà. Non, alors voilà, c'est à chaud hein, ce que je vous dis, mais ouais. Non, mais avoir l'effet waouh pour quelqu'un qui est habitué à la VR. J'ai trouvé que ouais pour alors pas waouh dans le sens c'est exceptionnel, mais j'oublie pas que c'est un casque nomade entre guillemets et que je me souviens du premier opus du Q1 qui il y avait déjà un quadrillage très prononcé, notamment dans le home. Là c'est lumineux, c'est tu sens qu'il y a un écran de qualité derrière. Ouais. D'accord, donc il y a vraiment un gros gap entre les deux versions, je trouve. Ouais. Et quand je vous parle du home, ça exploite pas, on va dire. Alors si, ça doit l'exploiter, mais la puce, tu vois, le home, il est dans le 1, c'était un chalet avec un feu de cheminée, une connerie comme ça. Là, c'est un chalet qui donne ouvert sur une cascade, enfin sur un milieu tropical. Mais je sais pas, j'ai perçu cette qualité d'écran, quoi. Voilà. Tu peux changer les décors si tu veux. Sans doute. Dans le home Oculus. Ouais, sans doute, ouais. Ouais. Tu peux tout modifier, tu peux meubler, tu peux changer. Ouais, faut que je passe chez Ikea. Le décor c'est général. Ça c'est ça. Non, mais même le monde qui t'entoure, en fait. T'as plein de petites options de personnalisation qui sont sympas. Après, je sais pas si c'est lié à la version du Quest ou à une mise à jour d'Oculus. Ça. J'ai pas suffisamment de recul pour. Je fouillerai. Je regarderai. Et t'y as joué, docké ? De quoi, de ? Enfin, est-ce que tu as joué branché au PC avec le câble ? Ah non, j'ai pas de PC. Ah d'accord. Ouais. Non, j'ai pas. Ça aurait été intéressant aussi d'avoir le rendu pareil sur un même jeu, mais. Ouais. Avec mais achète-toi vite un PC. Ouais, ça viendra. Achète-toi vite un PC, comme ça on pourra jouer à Phasmophobia tous les deux et tu pourras me montrer tes techniques. Ouais, mais ces jeux-là, tu m'y feras pas jouer. De fuite. Ouais. Non, non, mais je compte bien le faire, hein, Macho. Il y a pas de. Ouais, ouais, ouais. Mais là, non, vraiment. Ouais, c'est t'as du 2K par œil, ça. Ah, c'est ouais. Pas mal. Ouais, ça doit être. Contre, non, mais ça doit être bien. Hein, et je parle pas j'imagine. De jeu, hein, de puissance, de. Non, non, juste de résolution, de netteté de, au ouais. niveau de l'œil et de l'affichage. Oui. De confort visuel, ouais, quoi. Voilà. Et ben, je pense que tu viendras à nouveau dans l'émission pour nous dire vraiment factuellement ce que tu penses des jeux aussi que tu auras pu tester dessus. Ça serait intéressant de pouvoir les comparer avec des jeux qui sont en version. Enfin, les versions PC, en fait. Des jeux VR sur Oculus et les versions Nomad Quest 2 ouais. de ces mêmes jeux. Ça serait bien de pouvoir faire un comparatif justement parce qu'on se pose quand même pas mal de questions à ce niveau-là. Il y a deux semaines, on a appuyé le fait que les jeux sur PC, par exemple, un jeu comme c'était Robo Recall, je crois, il faisait 9,3 Go sur PC et il fait 2 Go sur le Quest 2. Est-ce que vraiment justement le fait d'avoir un confort visuel technique grâce à la bonne dalle, ça pallie le fait qu'il y ait peut-être, je sais pas, moins de polygones, moins d'effets ou de choses comme ouais, ça. Ouais, à voir. Mais, moi j'ai la version 64 Go et de base j'en ai 49 Go de libre à peu près quoi. Ah bah avec, tu veux dire que là t'as rien installé pour le moment et t'as que le système qui est ouais, installé avec ouais. Alors après, démo, c'est ça. T'as 2-3 applications qui doivent peser 14 mégas ou 40 mégas. Ouais. Mais j'ai viré tout ce que j'avais installé et ouais, t'as au moins, oui je crois que j'ai que 49 gigas de libre, réel. Mmh. Ah, ça va aller vite ouais, quoi. Ouais. Il y a des chances. Donc voilà. Okay, voilà les infos que je peux vous donner là, brûle pour point. On attendra ton test merde longue durée avec impatience. Ouais, voilà, là, je vais profiter du restant de la semaine pour potasser un peu tout ça, pour regarder un peu tout ce qu'il y a et puis les possibilités qu'il offre. Et puis, ouais, je ferai un test critique. Bah, en tout cas, c'est bien parce que ton Quest, le premier, t'en avais un petit peu fait le tour et il me semble que t'avais été, si ce n'est déçu, en tout cas. Voilà. Oui, il répondait à une attente, c'est-à-dire le nomadisme, et que je mets bien entre guillemets parce qu'on nous l'avait vendu comme tel, alors que tu dois rester dans une pièce hein, au final. Là, par contre, il te précise bien que tu dois jouer en intérieur, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas de doute permis. Bah, sur la V1, excuse-moi, il y en avait qui avaient fait des tests en extérieur. Ça avait l'air de plutôt pas mal fonctionner, à condition qu'il n'y ait pas trop de soleil. Quoi. Je l'ai fait également et je peux te dire que tu es vite, très, très vite limité en extérieur. À quel niveau ouais. Bah, tout simplement par rapport à la reconnaissance des caméras. Ta luminosité sature tes caméras et puis il te reconnaît pas. Ouais. Alors pour visionner une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit, ça pose strictement aucun problème, mais dès que tu veux commencer à dessiner ton Guardian et que tu joues, il te reconnaît pas. Ouais. C'est pour ça que c'est nomade pour moi entre guillemets quoi. C'est ouais. faut jouer au crépuscule. C'est nomade en intérieur. Ouais voilà, nomade en intérieur, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, sur la vidéo de qu'on avait fait pour le quest premier du nom, je suis sur la plage aller au coucher de soleil et c'est compliqué. J'arrive à jouer, mais c'est compliqué. Et pourtant, la luminosité, elle est pas extrême. Tu vois. D'accord. Ouais. Ouais, étonnant. Ouais. Il faut y jouer dans un hôpital psychiatrique abandonné et hanté. Je pense. Ça peut être pas mal. Voilà. Mais donc ouais, ce que je voulais dire surtout c'est que voilà, t'avais testé le Quest, t'avais pas été voilà, tu l'avais revendu parce que ça t'avait mais voilà, il répondait à mon besoin de nomadisme, mais par contre au niveau puissance il y avait ouais, c'était trop léger quoi. Voilà, alors là je compte sur celui-ci pour relever le niveau on va dire et satisfaire mes attentes de déplacement professionnel, voilà, pour Mais c'est bien, donc du coup, je veux dire, là, ton retour, en tout cas, sur l'heure et demie que tu as déjà passé dessus et ce que tu as pu essayer avec le Quest 2 est quand même sacrément positif, et bah du coup, ça fait plaisir parce que oui, je suis content de mon achat. C'est bien, voilà. Quoi. Ouais. Peut-être que la fin de la semaine, je vous dirai, c'est de la merde. Hein. C'est possible. J'allais dire, j'ai une question à chaud, là. Ouais. Plutôt Quest 2 ou Quest Pro, à ton avis? Quest 2 ou Quest Pro, c'est-à-dire? Ben, par rapport à la première version, est-ce que les évolutions qu'il apporte se suffisent pour que ce soit un Quest deuxième version ou est-ce que c'est plutôt un Quest 1 amélioré Donc un Quest. Bon, alors honnêtement, j'ai toujours pensé que le 2 était une version améliorée. Hein. T'as une puce plus puissante, une dalle de meilleure résolution, mais c'est pas une révolution. Hmm. Ouais, on en avait parlé. Oui, après, ça reste à peu près les mêmes contrôleurs. Hein. Comment ? Ça reste à peu près les mêmes contrôleurs. Oui, tout à fait. Oui. Alors après, t'as bien des logiciels où tu vas pouvoir mémoriser tes mains et t'inventer un clavier ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas une révolution en soi. Hein. C'est une évolution. Ouais. Okay. Mais c'est une bonne évolution. Ah oui, oui, oui, oui, là, c'est là, pas là, qui se voit directement quand t'as le casque. Mais c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est vraiment pour savoir si c'est. Si, on a senti un petit peu de cynisme dans ta question. Absolument pas. Je te connais. Non, absolument pas. C'est juste vraiment pour savoir si ça fait une grosse scission avec le premier ou si ça reste quand même dans la continuité de ce que c'était, mais de manière mieux faite. Quoi. Bah, plus performante et pour plus. Pour moi, vraiment, la chose, c'est la continuité. Voilà. D'accord. Okay. C'est la rupture dans la continuité, quoi. Truc qui ne veut rien dire. Non. Ouais. Bon, il y aurait vraiment une révolution s'il y avait light tracking, des choses comme ça, quoi. Et c'est pas, bon, c'est pas le cas. C'est pas pour tout de suite. Ouais, cas. Donc c'est. Ok. Voilà. T'as d'autres questions, petit Majo ? Non. Après, voilà, je vous ferai mon petit retour critique en étant le plus objectif possible. Mais bon, je suis content qu'Oculus sorte encore des casques. J'attends que Sony fasse de même. Oui, t'es pas le seul. Je pense qu'il y a attention, justement. Attention Oculus, attention. Attention Sony, t'as Oculus au cul. Non, ouais, c'est rien. Jeu de mots, là. Non, rien. Si. Merde. Bip. Non. Bon, bref. Et ben, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission, du coup. Ouais. Une émission un petit peu plus courte que d'habitude, mais bon, en même temps, un peu comme l'actualité. Donc voilà, t'as un jeu en early access sur PC, un Quest 2 d'Oculus. Voilà, il y a eu quand même quelques news sur le PSVR au début d'émission. Mais bon, en tout cas, news ou non news d'ailleurs. Ou non news d'ailleurs, ouais, surtout des suppositions et beaucoup d'attentes, comme d'habitude. Donc voilà, et ben on va vous laisser. C'est ça, l'attente continue jusqu'à dans 2 semaines. Où là, par contre, il y aura des infos, il y aura des jeux, mais à l'appel, il y aura des danseuses, il y aura des feux d'artifice, ça va être vraiment génial. Mais dans 2 semaines, pas maintenant. Donc on vous laisse, vous pouvez nous retrouver du coup sur Deezer, sur Spotify, sur PodCloud, sur iTunes. Vous pouvez retrouver notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et allez voir les vidéos, vous allez voir, c'est super bien et super sympa, même si la compression de mes vidéos est complètement dégueulasse. Vous pouvez bien entendu aussi nous retrouver dans les articles sur vrplayer.fr. Vous pourrez toujours nous retrouver sur Autour d'un VR en podcast avec vous, pour vous, parce qu'on vous aime. C'est bisous. Beau, putain, c'est beau. ça sentait la sincérité ou pas ? Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Parfait. Allez, bisous tout le monde. Allez, ciao. Salut.